Bonjour, bienvenue, willkommen. Aujourd'hui, un numéro de transmission un peu spécial que nous avons enregistré à distance il y a quelques semaines quand nous étions encore en confinement. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous et générique. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. En attendant de retrouver les cinémas qui nous manquent tant, nous revoici pour une quatrième émission, confinés toujours mais motivés encore. Olivier Grinard ne pourra malheureusement pas se joindre à nous, mais nous avons ici deux colonels bien présents au poste. Manuel Haas, comment ça va Manuel ? Très bien, John Rambo. Très bien, et monsieur Lucien Alflans, toujours en forme Lucien. Super, surtout après une super blague de Manu. Oui, nous commençons sur les chapeaux de roue. Alors, nous parlerons aujourd'hui d'un film de Sidney Lumet qui est sorti en 1964 et qui se nomme Fail Safe ou Point Limite en français. C'est le huitième film de Sidney Lumet, réalisateur de 12 hommes en colère, Serpico ou Un après-midi de chien pour ne citer que. Il est adapté d'un roman d'Eugène Burdick et Harvey Wheeler par le scénariste Walter Bernstein. Et on peut dire que c'est un petit peu le film jumeau de Docteur Follamour, puisqu'en plus d'être sorti la même année, les thèmes des deux films sont tout à fait similaires. Par contre, là où le film de Kubrick est grotesque, drôle, lorgne vers la farce, Lumet, lui, signe un film plus sombre, plus réaliste. Je crois qu'on peut utiliser ce mot, mais peut-être vous y reviendrez plus tard. Alors, l'intrigue du film se passe au Strategic Air Command, c'est-à-dire l'endroit où sont surveillés les mouvements de tous les avions du monde. Et on y présente un système de surveillance de réaction nucléaire entièrement informatisé. C'est un outil qui permettra, normalement, d'éviter toute erreur humaine et de répondre à tout risque d'attaque de la part de l'Union soviétique. Mais pendant l'inspection, une erreur technique se produit et une escadrille de 6 bombardiers américains reçoit l'ordre d'aller bombarder Moscou. Et cet ordre ne peut être annulé qu'au bout de 5 minutes. Dès lors, le président américain appelle le Kremlin pour tenter d'éviter le pire. Monsieur Manuel Haas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus précisément sur le contexte du film, de son époque ou sur sa place dans la filmographie de Sidney Lumet ? Déjà, pour recontextualiser un peu le film, alors je ne sais plus si c'est le huitième ou le sixième film de Lumet, là tu me mets un doute. J'ai dit huitième en comptant qu'il a fait un film pour la télévision, donc c'est son septième je crois et huitième avec la télévision. Justement, c'est un film qui appartient à la première période de la filmo de Lumet, où sa mise en scène est en tout cas plus voyante que dans ses films les plus connus des années 70, qu'on pourrait citer comme Serpico, Network, Un après-midi de chien, ou même dans les années 80 comme Contre-enquête et Le prince de New York. En tout cas, pour revenir à Point Limite, c'est un film qui a une mise en scène effectivement beaucoup plus voyante, beaucoup plus à l'avant-plan de la mise en scène auquel on est habitué chez Lumet, avec des objectifs au grand angle, de fortes contre-plongées, un jeu de lumière extrêmement travaillé. Et c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, notamment par la papesse de la critique américaine Pauline Kael, qui on peut dire n'avait pas assez de mots fielleux à l'encontre de Lumet. C'était un cinéaste qui était considéré comme un cinéaste talentueux, mais qui surlignait un peu tous ses effets. Ce qui est un peu paradoxal, justement, comme tu le disais, au vu de sa filmographie à venir. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Point Limite. Il y a peut-être encore deux, trois choses aussi à dire sur le fait qu'en effet, le film a pas hyper bien marché à l'époque, même si en dehors de Pauline Kael, je crois que la critique française n'était pas si mauvaise que ça. Le film a simplement pas marché. Je crois qu'en effet, comme le disait Julien plus tôt, il paye fort sa jumélité avec le film de Kubrick. Hein. Celui-ci pourrait presque être sous-titré « Comment j'ai appris à m'inquiéter et à détester la bombe hein, » par antagonisme avec le sous-titre du film de Lumet. Et je pense que le film aussi paye un bashing carrément de l'armée américaine qui était assez gêné parce que proposait le film, en tout cas dans son propos, à tel point que même la Columbia a tellement flippé de ce propos radical-là qu'elle a fini par exiger un carton lignifiant expliquant bien que tout ce qu'on voit dans le film est impossible, alors même que quelques années plus tôt, avant la sortie du film, il y avait La Baie des Cochons. Donc niveau réalité rencontre la fiction, on se pose là. Et justement, il ne faut pas oublier que c'est un film qui parle de la guerre froide et qui est tourné en pleine période de la guerre froide. Ouais, c'est un truc qui est intéressant dans le film, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est qu'en effet, le film se situe en plein milieu de la guerre froide, et si je dis pas de conneries, plus ou moins en plein milieu de la guerre du Vietnam aussi. C'est pas inintéressant de parler du fait que le scénariste Walter Bernstein, qui est entre autres un des scénaristes des Sept Mercenaires, ou bien du Train de Frankenheimer, si je dis pas de conneries, qui est un scénariste tout à fait capable d'amener du propos dans l'action, et qui est un scénariste aussi assez engagé, qui je crois était blacklisté. C'est pas anodin, et c'est pas anodin non plus que Lumet se soit intéressé à un projet comme ça, tant c'est assez fascinant de voir comme Lumet, de son premier à son dernier film, aura créé une vraie œuvre progressiste et politique dans le sens le plus strict du terme, quoi. Et justement, tu parles de l'aspect universel du film, il y a aussi un aspect quasiment atemporel, puisque c'est un film qui s'inscrit pleinement dans la filmo de Lumet, et la manière dont Lumet n'a eu de cesse de questionner la place de l'individu au sein du système, le système là ici qui est représenté par ces ordinateurs auxquels on a délégué en fait notre responsabilité. Et il y a notamment, je trouve, une manière très très belle de Fonda, vers la toute fin du film, de rappeler à son homologue russe ce qui est leur humanité, qu'ils peuvent pas s'abriter justement derrière une erreur purement technique ou technologique, et que ils sont responsables des ordinateurs qu'ils ont mis entre leurs deux pays, entre leurs deux nations, et qui vont provoquer la chute de l'humanité d'une certaine manière. Et on a parlé justement du style de Lumet. Le style est très voyant, donc je disais, c'est des fortes contre-plongées, des éclairages extrêmement durs. Mais c'est aussi un film qui fonctionne comme un entonnoir, c'est-à-dire on passe au début avec des décors extrêmement chargés où on présente différents protagonistes, et au fur et à mesure, Lumet va épurer le cadre dans le centre de commande, et au final, dans cette pièce quasiment nue, avec un unique téléphone entre deux personnages, le président et son traducteur, ou même stylistiquement à des moments, Lumet, par certains gros plans, va carrément effacer le décor, et ça va être les moments où il va pointer les dilemmes moraux des personnages. Mais c'est un truc que fait souvent Lumet, hein, adapter sa mise en scène à son récit, et au fur et à mesure que le récit avance, comme il a pu le faire dans le Network, où il va amener vraiment du noir de plus en plus dévorant dans le plan, jusqu'à terminer sur un film qui est vraiment très sombre, alors qu'il n'est pas particulièrement au début. Et puis ouais, donc comme toujours chez Lumet, il y a cet équilibre permanent, entre cet équilibre de la mise en scène qui va s'articuler, qui va s'adapter toujours à chaque scène, en épouser les contours, pour toujours mettre en avant la substance du scénario et rendre intelligible ce que le scénario recèle au-delà même de l'histoire ou de l'intrigue. Et en effet, quand tu parles d'entonnoir, c'est très très juste. Et c'est particulièrement visible aussi dans certaines scènes avec Fonda, comment il va aller vers le gros plan qui enferme jusqu'à la courte focale dont tu parlais, qui va vraiment déformer tous ces personnages qui sont littéralement mis sous pression. Et tu parlais aussi de la mise en place dans cette espèce de war room, la manière de cadrer l'écran en contre-plongée, comme le faisait d'ailleurs pour d'autres raisons Kubrick dans son film, mais ici montre plutôt l'omniprésence et la toute-puissance de la machine, mais aussi du jeu que ces dirigeants, ces personnages ont créé, et qui commencent à prendre le dessus sur eux. Et il y a un truc qui est super intéressant aussi là-dessus, c'est que les persos dans cette salle sont quasi systématiquement éclairés en clair-obscur, comme déchirés entre ombre et lumière. Et il va utiliser cette lumière pour créer des rapports de force entre les personnages. Et cette lumière, elle vient souvent de cet écran même là, de cet écran qui bouffe tout. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est dans ces moments entre guillemets où on va voir entre guillemets l'action, Lumet la filme de manière quasiment abstraite. Il ne verse pas dans un spectaculaire. À ce moment-là, il ne change pas le point de vue en fait. On reste dans le point de vue de ces gens dans la war room. Ben justement, en parlant de spectaculaire, moi je trouve que ce que vous dites est très juste sur la mise en scène, parce que le film, il culmine vraiment en intensité, il se resserre sur l'intrigue, justement, jusqu'à aller à une scène que je trouve assez belle. Le président américain parle avec son traducteur, et ils ont une conversation d'une banalité confondante alors que l'horreur est en marche et ils en viennent à parler du temps. Et je trouvais que justement ça ramenait très bien ce côté humain des personnages pris dans l'engrenage de cette guerre. Ça questionne aussi le temps, concrètement. Le temps qui est passé à prendre une décision alors que au départ, il y a 5 minutes sur lesquelles il est possible d'agir. Ce moment-là, où il parle du temps météorologique, questionne aussi le temps, la durée, quoi. Moi, je voudrais juste rebondir sur cette scène dont on parle beaucoup depuis le début et que je trouve absolument formidable. D'abord, rappeler que Henry Fonda est un acteur de pur génie. Je le trouve particulièrement touchant dans sa perdition, en espèce de faux Kennedy. Donc ouais, revenir sur cette scène géniale entre les deux présidents et les traducteurs, où on est que d'un côté, que du côté américain, mais on sent vraiment la tension et surtout l'incompréhension à certains moments total de ces quatre hommes qui parlent un peu en même temps. On sent vraiment la galère de ces traducteurs et le tout à travers un téléphone qui ressemble assez littéralement à une bombe qu'il faut enclencher avant utilisation. Il y a vraiment un jeu là-dessus. Le premier plan, il le met vraiment en amorce, il prend vraiment toute la place dans le plan. Il filme presque le téléphone dans cette scène comme une cocotte minute sous pression qui est prête à exploser à tout moment. Et c'est super intéressant comment, à travers cette scène qui en fait n'a l'air de rien, qui est hyper épurée, comme le disait très bien Manu plus tôt, il va mettre dos à dos USA et URSS et les montrer en effet totalement dépassés par un conflit qu'ils ont en fait créé par leur propre dogme et par la technologie dont ils ne savent respectivement rien de celle de l'autre. Ce qui est intéressant, Lucien, quand tu fais la comparaison entre ce téléphone, une sorte de bombe à retardement entre les deux personnages, où le traducteur symbolise ou représente en tout cas son homologue russe, c'est comment en fait il va faire abstraction du téléphone et il va filmer séparément Henry Fonda et le traducteur, comme si c'était un échange dialogué entre les deux personnages. Le téléphone disparaît totalement et c'est le moment où Henry Fonda réaffirme une partie de son humanité, réaffirme aussi son geste politique, la grave décision qu'il est en train de prendre et la responsabilité qu'il endosse. Là, pour le coup, on est dans la mise en scène invisible de l'humette. Ouais, absolument. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai des petites choses à dire pour vous aussi, pour vous piquer, vous relancer. C'est que moi, je trouve qu'il fonctionne très bien dans son dernier acte, comme ça. Mais j'ai l'impression que cette tension qui est mise en place pendant tout le film, mais c'est tellement tendu qu'en arrière-plan, les personnages, les seconds rôles, tout le monde est figé, en fait. Et je trouve que ça donne quelque chose d'un peu compassé, d'un peu enfermé, que ça cadenasse, que cette tension de la fin cadenasse un petit peu. Je trouve pas que ça cadenasse ça, parce que justement, il y a des choses extrêmement belles dans la mise en scène de Lumette. C'est qu'il fait exister tous ces personnages. Quand je parlais de composition de plans à 10-20 personnages, il arrive à te faire exister, par exemple, ce personnage qui va être appelé en renfort pour pallier à la traîtrise, mais en tout cas à l'inconséquence d'un des soldats, et qui va devoir dévoiler les méthodes utilisées par les Américains, et donc il est en train de donner les clés pour tuer ses propres compatriotes, et lui fait faire sa scène, entre guillemets, sa scène déclamatoire auprès de l'officier, mais il accompagne le plan du moment où le personnage est raccompagné à sa chaise dans toute sa douleur et toute son humanité, en fait. Mais c'est un film quand même qui met du temps à démarrer et qui est très verbeux, parce que vous parlez beaucoup de mise en scène, mais le film, il est verbeux, ça discute. Ça, c'est, on est chez Lumet, il y a énormément de dialogues. Est-ce qu'on va reprocher à Network d'être verbeux? Non. Le truc, c'est que, comme on le disait plus tôt, la mise en scène s'adapte à ça. Et si le scénario est verbeux, la mise en scène va s'adapter à ce verbe-là qui prend de la place. Et il fait ça, je trouve, brillamment. Tu dis que la fin fonctionne très bien en tension. Si elle fonctionne si bien en tension, c'est parce qu'il prend le temps, peut-être avec une sorte de faux rythme du film au début, de la créer. Et je trouve qu'il parvient, à travers justement ce faux rythme, à te créer une tension, une angoisse, mais pour moi, dès le départ. Et en fait, je trouve qu'il y a un truc qui me... Alors, c'est peut-être une obsession cinéphile de ma part qui prend vraiment beaucoup de place, mais dans les premiers plans, on pourrait se croire chez Michael Mann de révélation. Alors, je trouve vraiment qu'il y a un truc. Il y a un lien. Mais rapidement, le film bifurque en gardant des thèmes communs avec Mann, mais ça c'est un autre, la dualité des hommes, et ici des nations, le rapport à la technologie, aux machines, etc. Mais ça, bon, voilà, c'est une parenthèse. Et en fait, assez rapidement après ce début, le film va plutôt te ramener à 12 hommes en colère, dans sa manière d'étudier cette espèce de zone d'inconnu, de gris, ce trouble inconnu qui régit le monde et que Lumet n'a de cesse d'étudier, de questionner tout au long de sa filmographie. Pour revenir aussi sur un autre truc que tu disais en disant qu'il ne fait pas vivre ses personnages, c'est pas vrai. Non, attention, non, je dis pas du tout qu'il fait pas vivre ses personnages. Par contre, ils sont tous dans cette tension et donc un peu cadenassés. Ben, moi, je trouve pas qu'ils sont figés parce que justement, il prend le temps au début du film de les présenter dans leur quotidien chacun. Absolument, c'est là que j'allais en venir. Il y a donc le réveil de ce haut gradé de l'armée américaine qui résonne de manière extrêmement tragique avec la fin du film. Le personnage de Walter Matthau est aussi extrêmement bien présenté et amorce un début de tension et de violence dans le film. Et une tension et une violence, une dualité à l'intérieur de lui-même, parce que je te fais une petite parenthèse, mais ce personnage de Matthau, qui est une politique assez agressive, est montré dès le début comme un homme violent, engoncé dans ses propres principes et qui cite la Bible plusieurs fois dans le film. Il est extrêmement vaniteux, il essaye de séduire comme ça par sa science et par ses idées assez tranchées. Et puis quand, à son tour, il est victime d'un coup bas de séduction d'une jeune femme, il le vit extrêmement mal. Donc on sent déjà dès le départ... Il n'est pas très séduisant là, à ce moment-là, ouais. Ben ouais, c'est ça, on le sent déjà dès le départ, une dualité dans ce personnage et qui prévaut ce que va donner le film plus tard. Moi, j'ai une dernière chose que j'ai trouvée, pour le coup, brillante, c'est... Et je souhaiterais, si vous le voulez, vous entendre là-dessus, c'est la façon dont il fait résonner sa première image avec ce taureau dans l'arène et les derniers mots du film. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Je trouve en effet que c'est une très belle idée, ça fonctionne très bien. Mais ce qui fonctionne fort bien dans la construction de la fin, c'est que le film joue aussi parfaitement avec notre propre innocence de spectateur. Parce que tout au long du film, en fait, il y a un truc au fond de nous qui fait qu'on ne peut pas y croire. Ça semble impossible que ça puisse arriver. Et ça rend la fin d'autant plus violente, d'autant plus marquante. Et il le montre aussi visuellement en termes de découpage, de montage, avec la rapidité des scènes qui aussi ramène encore une fois au temps et à la facilité qu'il y a à détruire des millions de vies. Qui est aussi un découpage qui fait référence à un spot publicitaire de campagne du futur président Johnson. C'était cette idée de découper comme ça des vies new-yorkaises. Voilà, j'ai pas du tout répondu à ta question, mais je trouve que cette fin fonctionne super bien. Et un autre truc qui me semble essentiel à dire et que Lumet reprendra régulièrement dans sa filmo, c'est comment, sans aucune utilisation de musique, il arrive à créer vraiment un univers sonore. Et avec le son des machines, des avions, des téléphones, il va créer vraiment une tension tout au long du film qui va aller en s'accentuant, en reprenant un peu cette idée d'entonnoir dont parlait très bien Manu. Et en même temps, à côté de ça, venir aussi sur un des nœuds principaux et les plus profonds du problème du film, qui est de laisser d'aussi grandes décisions, on va dire, à l'aléatoire de la machine. Très bien, messieurs. Eh bien, merci pour cette jolie discussion à bâton rompu autour de Failsafe, film de Sidney Lumet. On va en rester là pour aujourd'hui. On appelle et on rappelle que le film sort en DVD et en Blu-ray chez Rimini et que vous pouvez nous suivre sur transmissionlepodcast.com ou sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook. On a de plus en plus d'activités. On est beau, on est grand, on est fort. On n'attend plus que vous. Merci à tout le monde. Merci Lucien, merci Manu. Merci. Salut les gars.